King, yeah, c'est Sony le philosophe. King, message d'avenir pour les frères, sœurs, mères, pères, pour la famille. Ce morceau, c'est pour les frères et les sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. Ce morceau, c'est pour les frères et les sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. J'ai pris le chemin libre, ma vie, même si le temps passe trop vite. Faut que j'aille au bout de mes objectifs. Trop de choses à dire, le bic retranscrit mes écrits. Ce que je dis, c'est ma vie, rien de plus magique. Imagine le sourire d'une mère étant fière d'éducation de son fils. C'est ce que je revendique. Et ouais l'ami, suivre le din, c'est avant tout respecter sa famille tout en gardant la foi. Peace. Moi, j'ai rien à prouver. Moi, je suis le résultat de 9 mois de galère. Moi, je suis un jeune de plus avec des rêves. J'ai la peau bronzée, serre. Tunisien fier de l'aide, génération galérienne, donc plus rien à perdre. Je te répète, moi, j'ai rien à prouver. Ma crédibilité parle d'elle-même, c'est ce qui fait mon naturel. Sache que la vérité se lit dans le regard. Tu pourras voir ma mère dans l'œil gauche et mon père dans l'œil droit. Ce morceau, c'est pour les frères et sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. Ce morceau, c'est pour les frères et sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. J'ai la musique comme parachute. Depuis que j'ai appris qu'ici on nous vise pour nous faire tomber. La peine de mort a été abolie d'après l'histoire. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi j'ai un flingue sur la tempe. On veut me mettre du plomb dans la tête, pas la peine. Appelle-moi le philosophe, sache que j'ai du savoir à revendre. Il y a un truc qui m'échappe. Les jeunes ont toujours pas compris que le savoir est une arme. Veut dire avoir un Glock dans le crâne. Bang bang, encore un frère parti trop tôt. Dring dring, appel tragique à la famille au poteau. Décevant et dramatique sont les histoires du ghetto. Ça guette plus la réussite, mais seulement l'arrivée des flics. Gamin, ne jette pas le cartable à 15 piges pour compter sur les causes souterraines. Ce fric est sale et éphémère. Fais les choses bien, Mino. Rends hommage à ton père et ta mère qui eux auparavant souffert. Ce morceau, c'est pour les frères et sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. Ce morceau, c'est pour les frères et sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. Un message de plus pour les petits et les grands frères, pour les petites et les grandes sœurs, pour les pères et les mères. Tu sais, nos parents nous enseignent la plus importante des matières, l'éducation. Prends note et sache que ça n'a rien à voir avec l'école. C'est pour toi, bonhomme. Écoute, suis et assimile leurs paroles. Faut s'en voir ce que tu penses. Et oui, je peux comprendre que des leçons tu n'en recevras de personne, mais au moins de ceux qui t'ont mis au monde. Renie ce que tu veux dans ta vie, sauf ta religion, tes origines et ta famille. Cet amour doit être invincible. Arrête de réfléchir à la Montana. Ici, pas de drogue, fric, fille. Si c'est court, vite, pense à ton avenir. C'est difficile, sans doute, mais comme disait mon grand-père, vaut mieux souffrir en étant jeune pour mieux sourire en étant vieux. C'est difficile sans doute, mais comme disait mon grand-père, vaut mieux souffrir en étant jeune pour mieux sourire en étant vieux. Ce morceau, c'est pour les frères et sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. Ce morceau, c'est pour les frères et sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et foncent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me faut un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif. Ce morceau, c'est pour les frères et sœurs, ceux qui se battent et non se foient, battent ceux qui visent et pensent pour réussir. Moi, je vois toujours loin, loin, je prouve toujours plus, plus. Il me voit un avenir sûr, sûr, il me faut du bif, bif, bif.